Famille ma ngi leni nuyu ku nek chat ba chat ku lim djum mom lañu wax ku lim djum nuyu ñepp chat ba chat ah gis taxawayu la reine mère ma ngi nuyu bu baakha baax sar maroc fatewuma la adja fatewuma kenn ousmane mom médecin ay nuyu ñepp famille bi yépp ma ngi leni nuyu chat ba chat tay nak parce que xam nga wax ji nak fokk ñu ñëmé ko wax ko tédé ma ngi wax na képp ku mëna namon ma la graw mo non lañ koy wax tout de suite mu leer seen bop partager leen gaay parce que xamul tax réew mi jotna ku nekk jël sa responsabilité tay ci live bi may def gis ngeen na dalora na bark limi jaar mu wax ci 3ème mandat bi tay nak gay partager len ko bu baakha baax may wax ne xama livre bi wax nan ko censure ma lajone len ndax moy manifeste citoyen coalition pour le dépeçage d'une nation manam coalition bo xamné luko taxaju moy tiax tiaxé alalu rewmi amul orma amul sutura ñaawteef rek lañuy dëkke kon waxon na len dama ci jukki ay pogn ba la passé won na len ci waji limu bind numu xoté te nek ay dëgg yu wër ping né liñ fi jotta am lepp ci président de la république tambalé ko ci senghor ba ci président Macky Sall ku ñew da nga fogné da nga wara nguuru ak sa wa askan nguuru ak sa wa askan nak ak say wa ñoñ modi lu bax nga fogné ñom ñoko wara jël mu tambalé ko ci senghor né senghor joxon na jarbatam fi comme homme de culture la won walu théâtre national de l'Ansaran ñew tabbi ci Abdou Diouf né Abdou Diouf bañu exploiter li di mini dafa ñew jël li nga xamné modi mini yo jox ko frère am muy Maguette Diouf Abdoulaye Wade kazalika ba mu ñewé Karim ak Sinjeli le ciirel wayé nak néna bi ñu nekk dafa gëna wulé ñaay ndax bi bu ndal wax Abdoulaye Wade ben ak ñaar bi mom dafa nekk président belle famille d'être président, épouse, enfant, belle famille, nous lo bobal dugal len ñep lepp lu bax ñu tek ci loxo kaddom di dañ sa suné kon tay damay ñëwaat lata muy xous ñu bari dina ko xous tay ji ci 3e mandat bi parce que nak buñ ñu yeb di wax né dañu wax le débat est prématuré le débat n'est pas prématuré parce que acte yu ñuy poser suba bu won goudé beccëk du nekk ñun ay nekku ñu ay ngaaka yo xamné da ngay ni nas pousse bi ñu leen di xool ngeen def ba mu naiss nak bo leen koy ñew ngeen fogné duñ ko nand dédé ñun yeen fa ngeen bëgg jëm ñun yegg nañ fa tok di xaar xam man sama wax dafa mësa leer dama né président Macky Sall ñak sakku 3e mandat momay bête waye bu sakko 3e mandat duma bête ala kulli hal la wax sa bu sakko 3e mandat duma bête ndax mi ci xew 3e mandat bi nak man nam différentes formes dengen stratégie bi Bartlemy wax na mi ngoy nas na ci denusi té dina len wax timit tay ji lan mo waral ci deug deug ciowul 3e mandat ay nitam ci bir kërëm dina len ci wax lu bari waye la ko lolou waxon na len dama len di defal lecture par rapport ak livre buñu sansur ma len ci jukkel ben ponk ak ben ponk mangi ziar ñep la famille ciat ba ciat on fa deug neex yalla contane nañ torop ci sen taxaway kontan nañ trop les débats sur nañ ko gëna yaatal nak arona comme fo nek waye war nga duggu ñu gëna yaatal li nga xamne modi la famille yokko mu dem ñu bare bare ni mu koy la liñ ci jublu nak moy l'éveil d'une conscience citoyenne forte majeure bo xamne ëllëgu réew mi mo lay ñoo nit du fessati sa bëgg waxna la man fima tok ni amul ben leader politique buma impressionné amul leader politique buma impressionné dina la jox sa cieur jox la sa waccu way waye ken dotuma digeti ci lamiñ rek ma gem la xamna kumay gem ku jëf askan wi na gongo ku gëf jëf askan wi na gongo tay mom dina bu téléphone yi ngeen woté 88 628 18 18 légui xamna na arona dina ñew ci yoon bi jox leen timit li nga xamné modi international bi xam ngeen ko sax so leen bëgge ma gënal leen ko légui ma wax leen te li nga xamné modi serveur international bi ngeen xamné mom ci ngeen ma woté ma wax leen ko légui 841 21 41 33 ma ngi koy bind ngeen xol ko voilà fal mare def na lepp mat na se 33 841 21 41 wax dafa jot te nagn koy ñëmé réew mi fu mu tollu ni wax na le né tous les segments ñu woté chronique bima def mercredi wo kilifa diiné yépp ma ng koy fédeli wat kilifa diiné yi nekk ci réew mi jot na yen ñep ngeen yëkëti seen cadre ci réew mi numuy doxé kilifa diiné yi dañ leen ko ñaan ci ñek ak teranga parce que dama japp né talibé yi waccio nañ ak kilifa diiné yëpp lutax ma wax loolu amul lenn lu kilifa diiné di bëgg fu nekk ni bu ci état bi noppé talibém du daw indil ko ko joxal ko ko kon bu nekké né talibé bobu nak mi ngi jankonté ay jafé jafé fi ci kaw suuf té jafé jafé bi buñ ko naté ba xol ko modi réew mi ñiñ ko téé ak ñiñ ko ngankee mo am ay galankor ak gak gak té lool ñu mëñ ko séppi ku nekk mëna jottoo day jaadu kilifa diiné doyo biñ ko jox ak tollu way bu mu am ah mu yëkëti kaddom nuko kandal défé mama do ci tabax nako kandal défé señu abdoullah mané lan ñun am jang nañ sociologie ay max weber ay Pierre Bourdieu han ñom ñepp jang nañ len nepp mais duñ suñu référence principale dañuy xol fi luñu jaaxal ci adina bo demay deglu al maktoum amna luñ ci neegu señu abdoullah amna luñ ci wax señu fallu bakka amna luñ ci wax han ma dama jëlale ñasse ni ñom international lañ dama len jëlal kon damay wax ne ñun ñoy suñu ciiss la njabot gaangi joy nak de njabot gaangi joy bele pass amna kenn ku ma wax na ndax amna ku melni imam diko ci rew bi mané ko bari na fi lol waye dañ na pat pataral nopi parce que nak ñom non lañuy doxale kon dañ leen ni wo pour ngeen wax dankafu waxu ñu ngeen def len lulul dankafu ñen ñi nga xamne seen pexé bu yeggé ci tal rew mi la jëm lool rek lañ bëgg ñen ñi nga xamne seen pexé bu yeggé ci tal rew mi la jëm té rew mi néna la man duma fi gën awma benn nationalité ci excuse ma nationalité arbre généalogique yépp na la wax arbre généalogique yépp ci mamatuma parce que nak yag na wax ben mbir kenn duma ci deglu ku artoul di nga até ku artoul di nga até buñu nekké ci ay jafé jafé yu tar nak ñepp xamné ñu ci ay jafé jafé yu tar nopi walé ko ëlëk sibi bu nit ñi joggé di fajal sen bop ku wax ñu la wa yow fo nekkon ba sénégalais yi dund li ak li fo nekkon ba li di am introduction bango gay madem ci livre bi ne len ma waw wala det parce que ma bëgg ñuy échanger légui ma bëgg ñuy échanger madem ci livre bi dogo ñew ci 3e mandat ma jukul len ci quelques pages ñaar ñetti pages madem wax len ma waw wala det ba kay bay ay ci yene ngi fateliku ba président Macky Sall falo dafa ñëwone di wax l'économie des visas d'entrée et de sortie du territoire yene ngi fatali ku lool ma lire leen waji bind na ci lu am solo néna malgré le fait que nos autorités donnent aux étrangers tous les secteurs clés de notre économie le sénégalais subit toutes sortes de tracasseries et des pluies avilissantes pour obtenir un visa d'entrée dans les pays d'Europe d'Amérique d'Asie et même le pays et deux pays du Maghreb de nga dé néna donte marché yi fi am jariñ yépp fi ci réew mi ay entreprises étrangères ñom lañ koy jox ñu ñoko duñat yobbu di yobbu seen dëkk diko défar fi sénégalais pour mu am li nga xamné modi visa façon toroxal bu né nañ ko toroxal sénégalais yi buñ démé dañu bañ sax ba légui bëggu ñu nekk en contact ak le demandeur djel nañay ivoirien ñom ñoo géré procédure bi lool la wax certes nous connaissons comme les autres pays du continent une forte progression démographique contrairement aux pays du nord qui vivent une drastique baisse de la natalité toutefois nous sommes un petit pays de moins de 200 000 km² avec une faible densité encore nous avons bien des ressources naturelles avec une industrie de transformation embryonnaire pendant que les frontières des autres nous sont fermées au point de provoquer des tentatives d'exil de notre jeunesse, pouvant entraîner dans la plupart des cas la mort. Les ressortissants des pays du Nord et d'Asie ont toutes les facilités pour continuer à accaparer tout sur quoi pouvaient résider nos maigres affaires. Fille qui vit au mieux, quand nous avons eu l'église, l'une fille d'Ef, croire-t-il encore l'État, France, Turquie, Chine, Maroc, France, Turquie, Chine, Maroc, France, Turquie, Chine, Maroc. Quand l'un de nos grands projets n'est plus là, face à de telles contraintes et blocages, le citoyen ordinaire, surtout jeune, se trouve comme dans une cage. Il ne peut compter que sur ses propres potentialités et dans son propre pays, celles-ci sont quasi inexistante. Seules ses ambitions, sa volonté, le vœu pieux de ses parents, tout ce qui fait de lui un humain, lui donne la force de persévérer. Les dirigeants de son pays ont préféré voir les manières d'ouvrir toutes grandes les portes aux étrangers qu'à lui accorder ne serait-ce qu'une fine bouche d'aération. Nous n'avons que rire, nous l'avons. Dimbele Diambour, moi je suis le Dimbele Sénégal. Soukhle Diambour mo len gënal soukhle sénégalais même pour couvrir ses frais d'exil il a fallu qu'il fasse quelques années de vente à la soviète économisée de manière très parcimonieuse. Manam, même pour mu meuna jël mu nekké galu lo ciok la bu nekké visa normal lepp day corcoral di jaay marchand ambulant yi way nañ len façon way wu ne ndax sen jambarté ay té len partager len gaay partager len contane guma de yeugagu len ci 1000 té bala ma ko ma wax troisième man da ngeen ni nek ci 1000 afin de protéger le secteur touristique fort pourvoyeur en devises en favorisant la venue de visiteurs, le Sénégal n'a jamais voulu établir le principe de la réciprocité sur les visas. Sur plainte et remontance de plusieurs pans de la société, l'État s'est décidé à appliquer la réciprocité en exigeant le visa d'entrée aux visiteurs de pays qui en exigent aux citoyens sénégalais. Moi, le président Macky Sall est venu taxaw né légui day def lan visa d'entrée réciprocité ci walu tourisme. Toutefois, le système mis en place par l'État dans l'octroi de visa est plus dégradant pour le citoyen et l'image du pays que de ne point en exiger. Niñ ko doxale ak fuñ ko jaaré mo gëna yaq suñu dernier Sénégal. Nous sommes dans un pays où les autorités publiques ne pensent qu'à la rentrée des fonds. Ils ont besoin de visa pour réciprocité. D'ailleurs, beaucoup de citoyens assimilent le ministère de l'économie et des finances à un simple ministère du budget. Il ne s'agit pas de vérifier le pedigree du visiteur potentiel. Madame, quand vous êtes dans le réunion, il ne s'agit pas de vérifier le pedigree du visiteur potentiel, mais plutôt pour lui d'une formalité à l'issue de laquelle il se verra délesté d'une certaine somme. Manam copar bi ñuy jël ci ñom lañ dem xoluñ sax ndax waji wëyu la kenn xamul waji lal ñom dal dañ ko ay da ngay dugg Sénégal visa nga soxla tango rafay point waji mu ne le comble, ce visiteur étranger peut embarquer et venir jusqu'à Dakar pour payer et obtenir son visa. Ainsi, des pays soumis au visa d'entrée au Sénégal, tous leurs citoyens, des plus honorables aux plus insouciants, et même les délinquants et criminels peuvent entrer dans notre pays. Il leur suffit tout simplement de casquer. Seule la volonté de renflouer le trésor public importe la sécurité du pays, de son citoyen et son honorabilité pour reléguer au dernier plan. Mieux, le président de la République, au cours de ses voyages officiels et en remerciement pour l'accueil somptueux qui lui a été réservé, peut exonérer les ressortissants des pays visités d'obtention de visa d'entrée au Sénégal, encore une fois, ce pouvoir et à sa totale discrétion. Madame, le président de la République, maintenant, tu es bien de nous t'aider à faire. Je suis venu à la maison qui est venu au Sénégal, sur le visa. Non. Il reste constant que les ambassades ou consulats des grands pays constituent des officines excessivement pourvoyeuses de ressources monétaires à travers les frais de visa. Nous d'accord ça qui chalice. Moi, consulat, il n'est que fille. Comment vous l'avez expliqué? Certains consulats ne remboursent même pas les montants perçus sur les demandes de visa rejetées. Vous ne rejetez les visas. Nous ne l'avons pas fait pour nous. Nous l'avons manam nga rang def ci dossier fay VIP 85000 simple 30000 ñu rejeté la du l'expliquer tok ñu rejeté la ba para nak jël seen xaalif ma wax la ik sax xam nga ne copar yoy ñuy jëlé ci consulat yi mom lañuy dundalé ñom seen ambassade ak seen consul la sen consulat yi fi nek dépôt bu rek. Au vu des files de demandeurs de visa devant les postes diplomatiques et des montants élevés exigés, on peut imaginer l'énorme chiffre d'affaires réalisé. Voilà une méthode mise en place par des États démocratiques de pays riches de faire payer à des pauvres et désespérés des séries de services qui ne seront jamais rendus. En dehors des frais de visa, le demandeur règle obligatoirement une assurance auprès d'une compagnie du pays du consulat concerné, ainsi que la réservation de tel. Quelle est la valeur relative de ce chiffre par rapport à l'aide publique reçue de ces pays? Matahaw. Khalis bi ñuy dimbalé diko tuddé ñom aide publique. Ñom ñaata lañuy nekk ci doomu Sénégal yi nga xamné guddé bëcc ak ñi rang di wut visa. Bo défé balance bi, est-ce que loolu ëpp ko? Est-ce que bonne défait balance bi lolu opp ko tay MLN bëss leen amé woné tay mom dama ban légui live bi légui né won na leen dama jël repos suma déllu sé dañuy waxtaan waji lim wax deug la walu deug livre bi ñoyé censure ko deug bu wër peng la wax. Déjà, avant d'accéder au consulat, pour des demandes de visa, le citoyen ordinaire commence à subir les vexations, les humiliations du troc-ligne. Les fonctionnaires sur place font montre d'arrogance sous-tendue par une suffisance au relent de racisme viscéral. Le système d'avalissement du citoyen ordinaire ne s'arrête pas là à l'entrée du consulat, mais peut continuer si le visa est accordé jusqu'au pays de destination. Il est fréquent dans les jours visa, nous ne tient pas France. Il est fréquent, phénomène cocasse de voir toute une bande de policiers former une haie dès la sortie de l'avion pour récupérer les passeports et conduire les passagers non nationaux vers le poste frontalier. Il est normal de contrôler les étrangers qui entrent dans son territoire et un État responsable est tenu de le faire. Il se trouve que le passager en provenance de pays comme le nôtre est très contrôlé. Et le policier du poste peut lui poser des questions du genre « Qu'est-ce que vous venez foutre là ?» Malgré le caractère incongru de la question prononcée sur un ton méprisant, le nouvel arrivant n'a pas le droit d'être ahuri et surtout de le montrer. Sans attendre une réponse, le policier demande à un collègue d'isoler le nouvel arrivant, en attendant de le réembarquer pour un retour au pays de départ. Après avoir subi tracasserie, vexation de toutes sortes et dépenses pour obtenir un visa, le citoyen ordinaire endosse une dernière désillusion accompagnée de brimades morales pour retourner vers sa terre de solitude et de désespoir. Ces autorités consulaires et les polices des frontières des pays visés peuvent se faire de toutes sortes de comportements d'avilissement à l'égard des citoyens ordinaires issus de pays comme les nôtres quand leurs propres ressources sont sous le couvert d'investisseurs se permettent de connivence avec les autorités locales de grappiller tout ce qui aurait pu permettre aux populations locales de développer leur économie, leurs personnes et leurs familles. Tchaboba. Ñom ñañuy tuddé investisseur ni ngi ñew fi lekkolok ak doomu sénégalais yu ñuul ñoñu jaay ñu ñun jël lepp lu baax jox leen ko ñun buñu démé seen réew ñuy toroxal doyu ngeen wax fokk ngeen fokk na lolu doyu lolu waru tax ñu juk xex lolu waru tax ne dootu fi amati. Une fois qu'ils font main basse sur un secteur vital, une fois qu'ils font main basse sur un secteur vital de notre économie, ils écartent ouvertement d'éventuels partenaires locaux au profit de leurs concitoyens. Ça, pour entreprise française, n'y est fi, gagne fi marché, limi n'y a que def, kam galan la, ferre, bon le colo, ak benet entreprise française, n'y def ni jonction, khan entreprise sénégalaise. J'ai mal tout, de moi gagner une affaire au plaque. jaay nako Thales Gemalto mo plaque d'immatriculation plaque d'immatriculation ñu la def ciot jaay nako Thales légui allons y les gars. Il écarte les partenaires au profit de leur. Le cas le plus patent est celui de l'autoroute à péage, gérée en exclusivité par un Français et qui ne veut de partenaire que d'autres Français, libre service, restaurant. Libre, mon kéwe. Wa EDK gagne avec Benin Société, défendant Shell, Fila Top, Fatli Koule, Demlingen Wari Chronique, Maki Wach, Wachi, Nelen EDK, Mou gagne, Nenjok marché de EDK. Mais vous ne comptez pas, Aksena, Dong. Total dong moy nek ci autour appel bi ba jeex même pour les cabinets de suivi financier la priorité accordée aux succursales originaires ou du pays de l'investisseur avec comme justificatif que ce genre de cabinet est d'envergure internationale tay fi la yam ci livre xam nga dama wax lolu adawa bi mu tayé pompier la la do wax cité de l'émergence adawa 2013 2012 2013 ba tay ji ñing ci lan 2020 mënuñ ko yeggalé fi tabax rek fi sénégalais yi di tabax kan moko fi dakk tabax mënuñu yeggalé seen gunu yi ñu defar ñu appartement yi mënuñ ko yeggalé bëgg ñu réew lepp lu baax ñu am visa yi fa la mujjé Big Togo ko ñoo commencé xey defu ñu sax ñu arrêté ko Big Togo facturé le ñu rembourser ko tollu ci 13 milliards de francs CFA teggu ñuko fenn njut ñaaj bu doy war am ci biir ndir ñu woy batu ñu jëlat Big Togo joxat ko université bi mu jéek ba ci ak def dépôt de bilan jëlat nañu université bi joxat ko keneen lolo fi am lolo fi am kuma sañu weddi légui na gaay ñu wax ci 3e mandat bi damaay dégg ay nit di wax way le débat est prématuré le débat est très loin d'être prématuré Dakar Matin. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs, la constitution est claire, donc il n'y a pas de débat en la matière. Mandat yobou ko djourom ñaar ni ko djourom ñaar te kenn dootu ko laal ni ngi ci biir donc amul 3e mandat amul dara naxé ci wagn ba ñuy wagn fu xam nak ñaari mandat yi amna bi moy def ni ci la bokk donc lolu dem bu ko sénégalais def ko bu baax amul risque 3e mandat wagn bi bi bokk na ci ñaarel su muy teel moy ba bu mucc donc lolu wax ñu ko tek bu baax Dakar Matin. Bu fi dogal ñaari mandat kessé ko ma ko def li fi xewon nga xam ni da ngay xey suba ne man dama bëgg 3e mandat mo ci fi mu ne lolu dañ koy verrouiller ci constitution def ko clause bo xamne kenn dootu fi ilu abadan kenn dootu ko fi mëna changer lolu moy li président gëm Dakar Matin. Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire que il est possible que le président fasse un 3e mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu l'article 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de mandat. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de mandat consécutif. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se pose la fin de la Constitution du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question. Elle ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République en 2012? Est-ce qu'il est président devenu président de la République en 2019? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. Dakar Matin. Fane wër dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel na lu xiimu la xëytoo wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie da koy dox 2016 man ma proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex takk ñëpp japp ne réew mi kenn mënatu fi toog loo fi ñaari mandat dañ ko bind mu leer nag ñeel na ko faire plus de deux mandats consécutifs. Xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouvelé muy donc boobu renouvelé muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj mais de toute façon kenn mënul def loo fi ñaari mandat yu tegal. Donc loolu la constitution bi wax donc kay loolu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen qualité dina renouvelé mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci munoo def lu ëpp ñaari mandat yu teg en tout cas man mii de jàpp naa ne mbirum ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu def si mbir moomu loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu yem fi. Dakar matin. Lu nekk loolu du nekk non waxtu mi daaw laaj na ma laaj bi lu jiitu daaw avant may dem campagne. Ñu ñaan koy teg wax la joo xam ne nag lu ma ci mën a tont day du fay wax parce que dafa am yoo xam ne loolu dafa leen soxla. Tey jii su ma leen ne du ma nekk candidat est ce que xam ngeen ne sama gouvernement ci boppam kenn doo ko liggéey. Dakar matin. Allo. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Mais c'est pas parlé. Waaw ni ngi lay ziar. Diop Mamoudou. Waaw Diop Mamoudou ni ngi lay ziar. Waa namoon nañ la gaañ. Waaw sa waa ñi ni dellu siwaat nañ. Waa ñu ngi lay ñaanal rek vraiment di kontaan. Jërëjëf. Waa li ñuy wax suñu xalaat bi daal ci troisième mandat bi ak ni Macky Sall yore réew mi. Waaw. Waa dafa mel ni Sénégal daal amul opposition c' est toujours ñu leen di roulé dans la farine ci affaire u dialogue boobu muy wax gëmu ko daf leen di tardé rek. Et ñoom ñoo war a booloo ànd nekk benn xeex bi wax Macky Sall mu jël réew mi tekk ci yoon. Mais dialogue bi da leen di tardel parce que dialogue bi am na loo xamante ne di am importance yoo xamante du ko nangu ba mu du ko nangu am na ñetti points yoo xam ne moom am na importance du ko nangu waaw xalaatam yëpp nag mooy am troisième mandat nag moom li ma la wax rek sénégalais ñoo seen bopp ñoo war am pour la am fayda wan que ne ñun dañ la falon ci njëkk ak teranga pouvoir bi du loo xamante ne da nga ko doon ci say waaju ñun ñoo la falon mais su nekk ne moom dafa falu ba pare def ko moomeel. Yaakaar ne réew mi moom moo ko moom lu ko neex lay def léegi nag peuple bi ci boppam ñoo war a jóg ne ko arrête comme ni ma li ngay def. Mais kii moom lii mu wax nii gëmu ko de waxoon na ko ba pare mais amul kàddu li muy yoonal ni yëpp pour troisième mandat la parce que daf ne Sénégal yi napp na leen ba pare ndax def na posé na ay jalon yoo xam ne jàll na benn ci parrainage bi ak ni mu defaree élection yi ni mu ko organiser Sénégal yi ne yàcc mu def lu ko neex. Ba ne gagné waat la deuxième fois am na deuxième mandat ñëpp xam nañ ne il n' est pas légitime ndax élection yi tegu ko ci yoon ñoo fichier bi gars yi jotuñu ko à temps ñi déposé woon pour am seen i cadente les prime votants jotuñu seen cadentité ñenn ñi xam ne jotuñu seen cadentité ñu duñ ko jotee dañ leen def ne ba pas voté donc moom élection yi tegu ko ci yoon léegi peuple bi nag ak opposition bi aussi opposition dafa mel dafa am lu ñu ruumanaat ci suuf ñoo war a taxaw opposé ñu xam ne ay opposant la ñu. Ñu wax ak Macky Sall mu xam boppam te maintenant lañu war a commencé waaw. Loolu daal laa gëm mais kii moom amul kàddu te moom yaakaar na ne moom réew mi te dina jéem a def le tout pour mën a amaat troisième mandat loolu moom bu yeboo ñëpp def ko suñu xel waaw. La preuve gis nga ki mu dàq nii ki nekkoon Dakar dikk Moussa Diop. Troisième mandat soo ko waxee moom mu dàq moo ko am mu dàq la boo nee mën nga ko am nag mu ne gong. Mais ki dafa def Sénégalais yi ma dem kanam nag borom a koy fajal boppam. Waaw. Seul le peuple est souverain. Et c'est la lutte libère. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Diop. Jaajëf. Gars yi. Xam nga Macky président de la République dafa ne day mel lu xiin rek lu taw te xiinul. Xamul waxu wolof. Ci nawet dafa am wax set xiin taw xiinul taw. Ci xiin taw. Xiinul taw ñu ngi koy wooyee ci wolof wax set xiin taw xiinul taw mais coowli moom la coowli yépp moom kese moom dong la xam ngeen lu tax ma wax ko Macky Sall président de la république mooy entretenir le flou de manière artistique sur sa volonté de briguer un troisième mandat am déet moom kese moom dong mom rek ciowul troisième mandat yep bu ngui jinn kenn mom kessa laaj len ma lutax mo wax len ko bo len ma laaje lutax mo wax len ko ay ci dama bëgg ñuy échanger ne len ma lutax ne len ma lutax mo wax len lutax fal ma rem tay ma wax lako waaw 31 décembre 2018 nga taxaw d'accord lok gor ñep ci bir palais présidentiel ñep yëkëti laaj bi né le président de la république est-ce que yow li ngay wuti ñi dañ jëm ci élection présidentielle 2019 ñu laaj la né le président Macky Sall nga na naam ñu né la ñi ngi jëm ci élection présidentielle 2019 est-ce que man nañu japp né présidentielle 2019 yoyu boko gagné moy sa mandat bu mujju manam bobu moy daj depp gi para nga ci amana gasi nga jël cadre lool nga tontu won ha may len ma rek gaay Dakar matin. Nous avons deux mandats consécutifs. De toute façon, quel monde indépendamment référendum constitutionnel. Vous savez, mandat Donte tek len sen baram fo wax mak sal wax len ma lan la allo allo assalam alaikum wa alaikum salam man la sar marok sar mon ami billahi dama contane sar mon ami mala gëna contane gis nga duma yagg ci ligne bi gis nga Macky Sall waaw neexul ba neexul waye meritewul ben respect ci ko souf non neexul limay wax nak dama koy assumer Macky Sall man la sar marok waaw mais gis nga Macky Sall wallahi yaangi wote lo xamé ay yaangi wote ay bo xamanteni ni dana ko to ko gis nga nak rewmi ning ko yore lepp ci gay doole ko def yefu ma tay yefu ya ma neex ak lima gëna met ci Macky Sall moy lepp limi def yeme wu ko tafet la man loolu ko mu ndek met Macky Sall wante nak ñing koy xamal ne ben affaire moy yag bis buy goot ne di def yepp dafam yi muy def ni da len ko fekk ba bir palais genn ko tan nak ñun dañu assumer responsabilité yepp ci Sénégal dara Macky Sall na xamne rew mi momu ko dañ ko ko denk rew mi momu ko dañ ko ko denk 2012 mais dafa fokkati 2019 xam nañ élection yi num démé duma guddal nak wante way naka point saaren bi dawagul ba légui tektal la waxal la la gëna bax la li ba len wax li de lan xol rek ay way serignam bi nañ lañu yërem ñun dañu ndol serign bar lañu yërem de wala mu sangam yo bi bok wax deug yalla am de toute façon ma ngi ziar wa family bi yépp wa jëre jëf sar ma ngi lay ziar bu baaxa baax di rafet sa contribution lol groupe ya koy animer xolal ñoo ngi sa ginnaw tay ñoo ngi sa ginnaw ëlëk inshallah sar dina jëf pap fo de yalla na fa de ah sar bu ñu yegg rew mi den ko defar de bam na ko ci ñu tek ko ci yoon jere jere Allô. Allô, salam alaykoum. Malaykoum salam. Wa ki de Red Mer, la mafel. Ah, Red Mer. Red Mer. Wa soxna soda. Wa Red Mer, tunu avion bi duñ ci wax. Ah non, suñu avion bi kat nenañu Seydou Gueye nena dañ koy defar paregul. Julien la waxon lay départ. Waye deg la tektal la serigne bi boko at ay avion bi. Ah bu ko ko serigne bi ayé dé mom ba du jël benen sax musiba dal ko xam yalla rek xam man dal lima bëggona intervenir moy dafa am luma faté won rek kéro xamna ni sax du tém bi moy dama bëggona faté li rek kéro mais xadar la doon waxé kéro wa deug na la mais dama gis né pour 1600 milliards ñi def ci terre bi cho allô ma ngi deglu bax Macky Sall di ñu ñëwé fi and ak Amadou Ott signé nañu waat fi 17 milliards 645 millions mais man lima ci nakari moy pour la pré-exploitation waaw ma bëgg na nga wax sénégalais yi lan moy pré-exploitation pour 17 milliards 645 millions benen bi ma bëggono wax tamit ci plan de relance ou assainissement bi Macky Sall defon en 2012 700 milliards ba tay ñu ngi ci 2020 fan lañu nekk ba mbënd mi nekk ba am ku ci dé dem ba Cameroun deug la té ba nga ni gissoo ben autorité bu fa taxaw inshallah dimanche ci lool la bëgg ñu waxtane waaw ma ñew nak tay ci mandat bi waaw gis nga Macky Sall mom limi di xam nako dé xam nako ko bu baaxa baax bu baaxa baaxa baax tek na stratégie ba paré parce que man mou ma comprendre kou né 3ème mandat nga dakh ko kou né da nga wara am 3ème mandat ñu bala fi waaw li xalé yi nan nice good fine waaw mou koy def ci kaw sénégalais yi té fi mu nekk ni na gaay yi au lieu ñu jog légui ñu bëgg na dañuy xaar pour Macky Sall prononcer wu ndax dina ko def wala du ko def mais lan lañuy xaarati mais mom prononcer wu la mais lan lañuy xaarati may wax mu nan dafa melni man wax ci xin taw xinul taw ah man daf ma jaxlé sax ah man buma déw 3ème mandat nañ ma sentu fenet fudul fofu Macky Sall jombu ta def dara motax man lañ ci dara mais juroom ñaari yoon lañ wax né sama mandat dama koy wañi def ko 5 ans fan la mujjii est ce wañi nako damay laaj rek ñaata yoon la wax ma dañ deful 7 ans mané ñaata yoon la wax ci leneen sax duma meussun namé signé décret pour nommer sama frère def na defu way dama né Macky Sall dal mom limu bëgg mo ngoy def mu ngi jëru le dal limu bëgg nekk fi nga ci papa Macron lum ko tek rek mu tégoko ah bañ nako fi mu nekk sa mom la jël tek ko ci taw chef d'état yépp ndax limu bëgg mo ngoy koy defal entreprise sénégalaise yépp ngi daanu ba neurmelu ñi daanu ñepp daanu ñu ba ndeen meelu en commençant par moi même ñepp daanu ñu ba ndeen meelu dette intérieure bi fan la tollu 1000 milliards lañ wax de est ce fay nako ak sama nako fay waaw légui nak muy dem di lebi ci rek lo xamni ñun duñ ko sax fekke suñuy sa ta duñ ko fekke mais sa Macky Sall limu nekk ni moy lima waxal kéro rek am imam diko amu ci dëkk bi dina war de sëriñ ci ñe gis ni ñaap xamnañu lu xew ndax do ci dem bo ndjay doomu xale bi général waxna wax jo xamanteni ji kuy nit rek war nga ci bayyi xel waxe nak sénégalais yi dañoo sonnagul bëss bu ñu sonn dañu jox faja ko seen bop da fogg na duma yagg ci ligne bi nak ñu ngi lay ziarat bu baax di la ñaanal jërëjëf do topato suñu mbeur mi jërëjëf waaw wax ji mom la xam wax na len fi xam ma ki wax nañu mu dañ mu waxat ni mu daj mu waxat ni mu daj mu waxat ni mu daj ay gogu bu la waxate tim da nga rek nopi allo waaw assalamu alaykum wa alaykum salam ko Dakar maté yaa ngi en direct papa ale man dama bëggoon ñu laaj dem kër Ismaïla Madior Sall tayer bi defoon constitution Macky Sall bi ñu laaj ko ndax limu waxoon mi ngi ci ba legui wol def ci gene comme maye ma tontu la fofu waaw ni ñepp ma tek ci générique ko ci poser question bi tay du la tontu Ali Ngui Ndiaye tay ban ko laaje dafa ne c'est pas d'actualité waaw xam nga nak fofu la lay wax ne yépp sénégalais mën ta wessu nga ne c'est pas d'actualité alors que réew mi constitution moko teunk ak ay texte ak ay loi mais ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mais ñun ñi ngi ci gouta ngay wax motax mané serigne ci fook yëkëti sen cadeau ngeen wax ndax ëlëg ci bo lu bëgge wax dina jafé dé dëgg la wala ah non kon nañu tantal suñu loxo wax ak serigne ci pour serigne ci wax ci Sénégal parce que fumu jëm ni waaji fumu jëm ni mom neexul dëgg té li moy wax moy néral benn nit wala ci dé wala ñu sétane benn nit dé troisième mandat parce que daf ñu dañon lolu sénégalais yépp dañu nek dañu responsable parce que 2011 six personnes yalla jël na sen bakkat bi na buñu ci dalé ba ben sénégalais dé ci troisième mandat bi lolu ak bobu ben serigne waru ko sétal ben sénégalais waru ko sétal té fofu lañu jëm verbiñu mère won Ablaye Wade pour raw lañ ko béré Macky Sall bu ko waxé lu raw 2012 mo fi amal ta dana war de no bëgg lu tap ñu xam deug rek mom liñu xol ci Ablaye Wade ak Adam diko rus mom duñ ko xol te kon lu raw 2012 bu amaté Sénégal lolu aduna jaruko donc ñepp ñoo ci wara wax man dama li ben dong bakkan ben nit akana loxo bu dama sax waruñu ko nak waxtu balax leneen te li nga wax moy kon dañu wara artu dañu wara téla artu ñi wara artu dañu artu bala luy ñaaw ci dal doomu sénégalais dañu wara artu kon dal man ma ngi wax dal do ci mëna wax ba ci ay délégation dem ci kër ci sëriñ ci jërëjëf merci beaucoup alors mais wax di nañ ko ñëmé xam nga lan moy ni ciow moy lu sama pa imam ba waxon rek kilifa bu waxe muy daj muy waxat muy daj bu waxe du safé yow nga wax 31 bu ngeen del lewal deuxième mandat xam ba waxon na damay wuti troisième mandat sénégalais du la jox fa deuxième wa légui responsable APR yi bu ñu conté dañuy wax 1 2 4 5 1, 2, 4, 5. Il faut qu'on se dise la vérité. Yow nga ñu man kumay sentu kumay do ma fa fek nga dem gagner ay élection présidentielle ak la ca am yeb sénégalais yeb xam ko aduna wërgal kap yeb xam ko mu lèr la na yow ha xamul ni Macky Sall dafa jéppi sax les membres de la paix parce que xamna ne mom mo li jënt élection wax di yeb ciowle ci bari mais mo lijeenti election yi mo lijeenti election yi banako correcte yow ñu laj 30 décembre 2019 fekk gagné nga sa deuxième mandat ba paré 31 décembre 2018 nga na kumay sentu ci lolu doma ci fekk ma bindu lu constitution bi bëgg ñu verroué abala laje 2019 isa gëna ton yomb sax nga ne len ma ngi doga tambali sama premier mandat sama deuxième dernier mandat bobu sax journaliste ñoo amutono tiaay mais mënu ñu ko poser est ce que vous entamez votre dernier mandat question xam la la tontu won ñu wax mu leer ke Dakar matin dina ko no waxtu mu daw laj na ma laj bi lu jitu daw awa me dem campagne ñu ñang ko tek wax la do xamni ak lu ma ci mëna tont tay du fay wax ko dama am lo xamni non daf leen soxal tay ji suma leen ne duma nek candidat est ce xam ñu sama gouvernement du bopp kenn do liggey xam nga wax ji mu wax ci wolof ñu koy wax ci ngin changañ ñu koy wax ci wolof waxu ci ngin changañ la du mëna deet du mëna waw ci ngin changañ moy wax wolof bi man na am ko man na ñaka am lolu nak mom la sénégalais ci bopam ne du fi amé lolu nak mom la sénégalais wax né lolu comme du fi amé nak mom kenn mënul musa ko wané bañu d'accord ko comme lolu amna dama na sénégalais né lolu du fi amé ci ngin changal waxu ci ngin changal soxla wul ko wax ju leer nañ lañ bëgg ci ngin changal la Macky Sall def 31 décembre 2019 sunu xel yi day téy bañ waccu xam nga lutax bëggutuma wax bëggutuma dégg fi ku def fi mandat bañul ko wax ci 3ème mandat bi waxna len ci chronique budul ben yoon budul ñaari yoon na bañul ko wax ci 3ème mandat xam nga lan la bañ ku ne ko mëno def 3ème mandat mom mo ñu jox firnde bi képp ku tok ne ko mëno def 3ème mandat Macky Sall dakk la Moustapha Papis Kaba moko wax mu dakk ko Moustapha Diakhaté wax ko Dembo Ndiaye Moussa Diop wax ko mu dakk ko kon mom te ca boba Mbaye Ndiaye neena émission tok na fang ci télé bi na Macky Sall mi ngi dogo tambali premier mandat en 2019 kon man na sakku deuxième mandat wolbatiku Arama Ndofène ministre conseil tok né dañu wara mandat illimité Bougazeli tok na Macky day wut li nga xamné modi 3ème mandat bu ko nexé wutiko Serigne Mbacké Ndiaye ak ñeneen ak ñen mais képp ku wax nako yow man nga wut li di 3ème mandat mune la nakhnu kazalika contant ci waye ku nako mëno def 3ème mandat muna do fi yenn do fi fana ana Moustapha Diakhaté Dakar matin 3ème mandat Macky Sall moko bi do defu won ni mu def wala moy wax yi muy wax kon kenn du 3ème mandat gis nga lu dakké soli kaba dama ko waxon dama ko def ni erreur parce que Sénégal dañu fogné da nga bëgg am 3ème mandat mo tax man ma dem ci semaine bi ci téggu ma dem ben émission ben journal la ñëw waaw 3ème mandat ben ci xalat man lu mu tan 3ème mandat wax Allo, après ñu ñëwaat ci Moustapha Diakhaté. Allo. Allo. Assalamualaikum. Maaleykum salaam. Assalamualaikum. Tëgg ba balé. Waaw, yaa ñi en direct. Da ngay waji li ngay déglo pour wax bi mëna gëna leer. Waaw, maa ngi jéggalu, maa ngi jéggalu bu baax a baax. Waaw, ay jéggalu. Arama wañi télé. Voilà, très bien. Waaw, damay wax ne rek gis nga Sénégal. Yalla na ma Yalla jéggal, mais xam nga dañ ne dëkk bu nekk dirigeants yi ngeen yi ñu mérito rek lañuy am quoi wax dëgg yàlla Sénégal bu fekkee football am na ñu ngi si mbedd yi Sénégal bu fekkee bëri am na ñu ngi si mbedd yi Sénégal bu fekkee affaire yi ñaata fayda moo leen taxee génn si mbedd bi mais li nga xam ne mooy war a tax ñu defar seeni futur defar seeni futuru doom defar seeni futuru dëkk du ñu mus a génne taxaw si mbedd yi Papa Ali mais imaginez mais li gën a bon si àdduna mooy nga ñëw ba confortable di dund si walaakaana li gën a bon si àdduna mooy nga ñëw ba confortable di dund si pauvreté nga ñëw ba confortable di dund si boo feebaree doo mën a faju nga ñëw ba confortable di gis say yaay say tante say sister say sœur ku si nekk di matu sa di jël ay sere di jël ay mbaam mais li kenn xamul lan la Papa Ali kenn xamul lan la ngeen bal ma àq bu baax a baax parce que xol laay waxee mais Sénégal li fa nekk nii kenn xamul lan la Papa Ali billahi wa man damay jéggi cooy rek laay bëgg quoi wax dëgg yàlla li métti ba si kanamu yàlla métti na ba si kanamu yàlla xam nga dafa mel ni ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñun métti bi nga xam ne ñu ngi koy dund métti bi nga xam ne Sénégal yi ñu ngi koy dund wala moo am Sénégal ñun ñoo koy gën a sentir que Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal Papa Ali Dona war, Wala muy wax yi muy wax kon kenn du président. Gis nga lu dakké soli kaba. dama ko waxon dama ko def erreur parce que Sénégal dañu pogné da nga bëgg am projet man da mo tax dax man ma dem ci semaine bi ci téggu ma dem ben émission ben journal lay ma néw waaw projet man da bi la ci xalat man ne mën tan projet man wax la tax mu wax ko moy construction bu Sénégal bi mu prêt seulement 2010 dañu limité won mandat ya deux mom bi mu falo mu yok deug na deugere limitation bi mo ko mu wax ne bu falo waté bu bëgg projet man da kon projet man da ñu ko am mu dari may da kon li bu ne ko ken da yam bam sax du problème wa am na ño xam dañu bok ci parti ci mo ngi ni nit ñi bok wala ño ko ñu da ko projet man gay gay wote bu mère rek ñu mëna am 1000 mandat da ko le kon ginaaw ku ne wote am projet man nga dox waye ñu ne mën nga am 1000 mandat nga bay leen kon day melni yow dinaan mën na am 1000 mandat na ngeen damay and pour ça war na mel nek ko deun kon moma dakh parce que lolu ci lama dakh bama ne nay wote am am projet man la ma dakh ci cabinet bima créer sama mu ma tudde ko man ko taxawu affaire mu dal dinañ ko gëné ci parti dari ko mom bo tuddé mandat rek day melni ko tak ne mën ta mandat day melni da ko rayelu taw ko li ma jax moy mom bëgg na mais yëmu bokk kërëm bi ko journaliste bi laje ne ko yow ndax 3e mandat da nga nan waaw wala dit def na ko duma ne waaw duma ne dit tali mom ñu wara moy dit na wara parce que constitution mo ko ne dit baba na xeyna Sénégal ni ngi waron taxaw wo dess na parce que japp na bu ñu xëyul ay centaines de millions de personnes wacc mbedd bi ne ko président leen dit kon bu japp na xeyna bu xelam da na gën ci nek 3e mandat de ngeen Moustapha Diakhaté neena boko voilà damay wax gaay buñu dougalé son ñu permettre gaay déglu wax ji ba paré parce que sinon je serai obligé de couper pour jël le téléphone recommencer wat donc xam nga de ngeen Moustapha Diakhaté wax neena mom dem na président de la république yow ni nga doxale ak Sori Kaba day tax sénégalais fogg da nga wut 3e mandat mu xey dem ci ben émission bam démé ci émission bobu na Macky Sall mu ñom 3e mandat Macky Sall dakk ko ci cabinet ñu ne deta way mu ne mu ñew taxaw kurel manko taxaw APR mu dakk ci parti bi neena Macky Sall boku tuddale da ko mëno def 3e mandat dafa melni dang ko rayal taw te mu ne lu ko jaaxal moy Macky Sall du dakk kudde kudul ku saña wax nako mëno am 3e mandat mais kep ku na pat nako man nga wu 3e mandat Macky dalay tagal say mam moko wax kon nek na lo xamne lima len wax ni waxanti deug xel du jeer lu xat dañu ma sul xel dafa tey bañ waccu parce que dafa am lo xamne dafa am ci rew mi comme amna ci rew mi timit il faut ñu wax ko mais Macky Sall bañu lolu madame legui nak xam nga mom élection présidentielle ba mu jexé mo tok né amatuul dara lu may njut njaaj kon mom japon na né mo ngi don njut njaaj kon mom japon na ko mo waxon li Dakar matin nena nekatul ci ay njut njaaj parce que amatuna lu muy njut njaaj wax bu nekké ne nekko ci ñuy njut njaaj lutax tay ji fuñu tollu ni lepp lu jëm ci suñu walu démocratie ci walu élection yow kissé yow dong yow rek ya ko randal nañ élection locale ñetti yo allo randal nañ ko ñetti yo xam nga man damay wodé ñi wax né Macky Sall mëna wut 4e 3e mandat moy les responsables victimes du covid politique ñom ñep covid politique mo leer né parce que tok di wax yenn wax yi e dina len wax la famille tay ji dama bëgg ngeen dégluma bu baax ci lima fassiyene wax ci lool bu nangu mu allo oui papa waaw papa na nga def man Italie la lay woy waaw ma ngi lay ziar nuyu wa Italie yépp waaw di lu nuyu de sante jerejef dama lo setan sa émission rek après suma téléphone aussi chargé wu mako trop nana sa numéro amul WhatsApp quoi. Wow, amul WhatsApp. Parce que ñu bëri wow, mais dis nga pap. Allô? Ma ngi lay déglu. Man ñaari parole rek la lay wax. Ban ak ban? Le président Macky Sall. C'est le fruit du président Ablaye Wade. Non, attends, mais c'est un fruit négatif. Allô? Président Ablaye Wade, il y a un président qui a été fait. Mais Macky Sall dafa don espionné lepp le président Ablaye Wade di def procédure politique mu dadi hériter lepp ba paré la Ablaye Wade dawul def ci lu bon lolo tek sénégalais tay jang comprendre mais stratégie propre lolo Ablaye Wade don ci tarré man duma politique pap analyse rek lay def quoi. Ablaye Wade doom ci ta Ablaye Wade ko japon ko Ablaye Wade kum gëm rek gëm na la kum japon japp na yermande bi Ablaye Wade amon sénégalais mak tal amu ko wa Macky Sall nak ñew na stratégie bu mu leen tégal sacc na élection sacciat élection gis nga fi mu nekk ni 2024 xam nga def na 3 ans day xëy suba rek mu daa di prononcé daat ne bàyyi na bu koy wax bés bu leen ko waxee na leen seen intelligence may ne bañ a dugg kaso moo tax mu ne bàyyi na parce que boobu fekk na 3 ans yi ko defe lekk na xaalis sénégalais bu mu jeex def li ko neex yëpp xëy suba prononcé un 31 décembre ne leen day bàyyi politique day bàyyi présidence mais Macky Sall c' est une personne néanti a comme un ver de terre nan rafetal kàddu yi moo gën timit aussi waaw mais que non man xam na nit ku nekk mën ngaa wax sa critique mais rafetal kàddu yi parce que terme boobu yoroo bu ñu utiliser ko ci yow nañ rafetal fii moom dama bëgg benn affaire mën nañu wax suñuy dëgg mais na kàddu yi rafet. Mais les anti comme un ver de terre, tout ça, c'est-à-dire, il y a autant de. Pas traiter un être humain de ver de terre. Ouais, d'accord, bon, je vais le dire. Bon, donc, moi, ça, ce sont mes paroles, et moi, je suis direct et je dis ce que je pense. Très bien, merci beaucoup. Je t'appelle. Djeredjef. Xam nga, man nañu wax tamit, mais nañu respecter institution bi nit ki tamit, c'est important. C'est pas grave, on formule des critiques. Bon, bref. Légui fallaye mon tamit mom la dañ wax né président Macky Sall mu né su waxé né day wut du 3e mandat gaay du liggéey kon Issoufou mi wax né mom du 3e mandat ay ministre am liggéey ban prendre des demeurer également mais nak nena bay waxon na amatul dara lu muy njut njaay wax wax de nena amatul won dara lu muy njut njaay legui nak comme lu amul dara lu muy njut njaay ana Barthélemy amna explication bu mu joxe ne stratégie bi président Macky Sall di tek duñ ko tuddé 3e mandat yo ñu deglu Barthélemy té dama bëgg nak ñu deglu ko gay Dakar matin moy Macky Sall ni takku 3e mandat parce que Macky Sall bu fi kenn wax ni que mom mo ñu 3e mandat et je reviens à ce que j'ai dit semaine bi ma ngi deggul nak sénégalais parce que ma ngi wu ci télé ma ngi ci radio ma ngi ci journal ma ngi fu nek ma ngi wax dama bëgg sénégalais yéw su ñu noré poñé Macky ben ko poñé mu xam na ni que ñu jël jëlama Macky gay nak li lay wax de dama leni tegal so mu bëgg dugg allo assalamu alaykum ko ko la fa balé mané yaag na déglu Barthélemy non deglu mako la ma kenn meuna deglu meuna wote quoi ba d'accord ay jeune ni ngi lay deglu kon parce que batlimi lañ leen tégalon ni lay won ni ma ngi rafet li sédiqué premièrement di def grave mais ci en sénégalais mu nek europe là oui waaw ni ko ma am cadeau damay def légui ci problème pour retourou déca dé bu nonou waaw do wajjot non dafa xamni que amna déjà retourou sénégalais de l'extérieur amna ci troisième mandat mi dakh ko waaw pareil kon mo bu mi tenir ko yoy nonou il savait les conséquences qu'il attendait. Sama lolu gis nga ñom man ka ma wax la len yene tok di réfléchir sax ci digënté AP man dama la cette affaire c'est le problème interne la cuisine interne parce que dans la mesure Macky Sall ba muy nawé Moussa Diop Dakar dem dik dafa lajuma won sama bi voilà donc boulé Google limogé c'est son problème c'est son problème légui la galé gi ne faut pas que les sénégalais tombent dans les pièges en le prenant comme étant un héros. Après mon deuxième tour qui infiltre l'opposition bi pour dire ma def ay ñodi ak xam nga Macky Sall ñu la may nga baal ma ci wut gis na dernier magistrature bi dernier régiment mo def ci magistrature bi instant yi ni day xaar ba élection mu def ay opération tracer point pour ñu defal ko lu mu bëgg jappay opposition wala mu tedd wala mu ñu déclarer validité sûre mais on oublie un élément important le peuple. Peuple bu jeug manko taxaw justice munu ci dara pouvoir exécutif munu ci dara répression munu ci dara ku wedd nga laaj IBK voilà le problème ging lolu c'est ça qui est dangereux parce que discours bobu bokoy defé justice da nga fokk ni ban magistrat moy xalat wala ay ñu ray ay sénégalais yu bari pour lolu mun ta nek sénégalais bu ñu amé détermination rek du fi am c'est président c'est total yo parfois la muy dégg ces chroniques mais tam ma neex Macky Sall day def lo xamni kenn mënu ci dat ci moyen de répression ou tak ñu répression pour peuple bi dañuy avoir peur c'est le pour man couvre peuple ñu def ci code à virus bégué pour man xama sama xal bu gatt pour tan lati ko di xol ba xam ak sénégalais am nañ courage jënd ñoy non départ déclaration pas une catastrophe déclar couvre peuple c'est lu gëna ku fi gën da kay japp le tour la mo non la yaakar man day non la yaakar ah on verra. Non, là, on verra. Ah, mais parce qu'on a, un président qui est violent, par exemple, qui utilise la violence, les moyens de répression. Mande, vous ne l'utilisez pas du tout. Ah, on verra. Inch'Allah, l'avenir nous le dira. Mais ce n'est qu'un des visionnateurs pour mettre Moussa Diop. Non. Merci beaucoup, Djeredjev. Ok, Djeredjev. Les gars, ils gagnent sur vous. Donnez-nous le Barthélemy, s'il vous plaît. Magnan. Dakar matin. Moi, Macky Sall, je suis au troisième mandat. Parce que Macky Sall, vous faites qu'un warning que mon boulot au troisième mandat. Et je reviens à ce que j'ai dit. Semaine dit, Macky de Gaulle n'est pas sénégalais parce que Macky est au télé, Macky est réglé, Macky est joué. Macky Founek, Macky Wach. De même que sénégalais, il y a où. Si nous n'aurions pas de Macky, nous n'aurions pas de Mouhamed Nekri du télé. Tout le monde. Macky Sall de Gaulle. C'est notre adversaire politique, Wanté tout de même, il n'est pas Ouattara, il est aussi il est un peu intelligent, il est plus intelligent que Ouattara. Alors il n'est surtout pas Alpha Condé. Donc il n'a pas le droit de se comporter comme ça. Mais il faut qu'il comprenne que le troisième mandat, officiellement ou officieusement, ça reste un coup d'État. Comme moi, à ce qu'au Sénégal, je dis que ce que nous devons faire, c'est que le Sénégal a besoin de tout le Sénégal est éduqué, le bail est Macky Sall ñi ci tank troisième mandat bi nak duko def ni Ouattara duko def ni Condé da kay def bi yon à la Macky Sall moy ni wi ni non Macky Sall buñu organiser élection wote Diallo nga la won askan bi Diallo bi yeen lan ngeen nam ñi dañu nam gouvernement égalité ñi lan lañu nam fatu chef de l'opposition parce que dafa am ay tangal ak ay biscuit ak ay chocolat yi ñew ak statut bi mom wonté mom Macky Sall lan lan nam ci waxtat bi pam moy troisième mandat bi moy dañuy dakké élection locale de minimum 2 ans et demi que je l'ai dit pour élection 2019 mais dafa jaadul wonté man dakké élection locale ni est-ce que lool jaadul mais jaadul parce que tay bala may day ñuy may laj yow Bastri parce que dañuy wul troisième mandat ci mairie à Monsacré mais je fais un troisième mandat parce que mon deuxième mandat est terminé mais ce n'est pas à moi ou à toi de convoquer le corps électoral c'est au président Macky Sall donc président Macky Sall vous m'avez excuse dans votre politique pour wax ni way mais gañi né ñu que le niveau de politique fiché parce que mais pas mais ban fiché de niveau unité dañuy fiché dañuy unité fiché parrainage bi ou le fichier élection présidentielle bi ban ci fichier parce qu'il y en a 3 ou 4 ban fichier de l'unité et puis partout de même les sénégalais dañuy dem di superviser ay élection ci bitim réew dañuy soxla ñu dem bu tudja ay nasarat yi ñeu fi di ñeu auditer suñu fichier té ñun ñu xam bu baaxa baax fichier bi ci nek mais tout de même appeler les anciens directeurs des élections qui étaient là mettez-les à contribution prenez l'expertise locale auditez le fichier c'est quelques semaines. Parce que si on reporte l'élection, les élections locales, l'élection mairie, nous rendons compte. Tu n'as même pas parlé. On a eu l'élection en 2019. Mais maintenant, Khaled Bilimi a eu l'élection en 2020. Mais non, qui défend ? Mais non, 2021. Mais non, 2022, mais non, 2022, enfin, loin rare. Coucou, normalement, d'ici maximum 2 mois, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps en 2022 ou pas. Moi, c'est loin rare. Moi, calcul lui. Entre fou élection locale non on am ak fuñ ko bëgg yobbu moy ñetti at yoyu lañu bëgg tout ça tamit élection député mais koku suñ ko défé élection député bu no am 2022 nga ramal ko ba 2024 mais présidentielle bu no am 2024 nga ramal ba 2027 mais lolu benen xéttu troisième mandat la mais lolu coup d'état électoral la je pense que lolu ma ci bëgg def Macky Sall dama kay jëlal fi tout sénégalais dougulé élection présidentielle ou en 2024, le président mandat. Il sait très bien parce que je sais qu'il nous mène. Je sais. Parce que je suis informé. Mais moi, d'avoir un choix pour moi. Moi, j'ai fait le choix de dénoncer. Dakar Matin. Voilà. Comme nous aussi, nous avons fait le choix de dénoncer parce que c'est démocratie. Est-ce que Djadou n'a pas l'air? Vous Djadou, vous n'avez pas Djadou. Nous n'avons pas Djadou. Ñu Sénégal di fukk dënd on a une démocratie majeure amna yo xamné mënu fa taw ci réew mi ñu tok kenn xamul kañ ñi def élection locale kenn xamul kañ lañu def élection législative benn nit kessé dong rek di président Macky Sall mo mëna tok xol bam neex mu na bon écoute on convoque le collège électoral là on va aller aux élections je pose la question est-ce que c'est normal est-ce que maire bi nga xamne dañ ko fal fofu mu nek pour 5 ans di liguéyal goxam ñu fal ko ci 5 ans bañ ko falé ci 5 ans yi wa goxam ñu ko fa tan man muy liguéyal gox bobu nga waxtu kay dina jot gox war ko nat buñ doyalé ci mom nako joggé fi buñ doyalul ci mom nako ay ci simila jogé fi wala bo doyal na ko kay tok mais lolu ce n'est pas normal jadoul et puis comment ça se fait bande de copains qui ñuy teju dans le cadre de la politique oui on est d'accord on prend on reporte les locaux bakagne wa légui may laaj conseil constitutionnel bi guéné won avis maki def ko décision mënako mëno yok sa mandat mëno wañi sa mandat légi conseil constitutionnel lan la wax ci lolu bu nekkone amna magistrat yo xamné ren fu dañu wax né li ngeen def jaadou parce que de manière subtile pas subtile de manière réelle et évidente yokku nañu durée mandat moy liberté bi wax né de facto mangi sama 3e mandat parce que sama 2e mandat jeexna depuis 2019 de facto mangi sama 3e mandat ku mu jëw pousse bu réel ñu na la yow ku yokul ya wañi ñu démocratie bi dafa soxé c'est ça la réalité kenn mënu ko dindi report sur report Allô? On est où? On est où? Yow président de la République, yow rek yay tok buñu wax troisième mandat deug mom rek mo xam instant bi mom kessé ci bopam dans sa tête mo xam comment ça va se passer xam nga buñ may wax nama oui maké trop fort man tan ram sam ben xar rek mané non yenn yi c'est pas question d'être très fort parce que bu nekké né amana yow man nga def lula neex té amul ben bara ci le pouvoir qui arrête le pouvoir amul ben pouvoir bu la arrêter de justice de législatif lepp yam ko té segment société bi yépp aplatir sa kanam djimbulu ci yow lolou du fort fort mo yow mo suma adversaire bi suma naré sonal j'appelle la justice on lui fout un procès on le met en prison et c'est fini sénégalais bu naro yëngatu nga baré fep djël sama tonton makout rax lén ci bir policier yi ñoñu door sénégalais yi melni benela mais c'est lolu ñëpp ko mëne wad bu ko néxone Macky Sall doon candidat à l'élection présidentielle 2012 mënon nako créé lon dossier le pays sera sans doute sans doute mu jé tak. Mais c'est le peuple qui a veillé au grec. C'est l'ordre fermé. Moussi, Romo. Tu es un homme. Té dañ ci wax nak wasu ci ak parce que fuñuy tok di wax né kilifa diiné yëkëti lén sen kaddu ci réew mi numuy doxé fofu lañ wara mëna wolbati ko timit wax on n'abandonnera jamais on va dire ce que nous pensons dans notre tête Barthélemy Diaz wax na ci mandat wax na timit ci mbiru chef de l'opposition ñu dégg Dakar matin Khalifa n'est pas en vie. Je peux le confirmer. Parce que Khalifa, c'est très simple. Il a refusé. La preuve, oui, vous me dites qu'on a été caché. Il y a un peu de temps, mais l'avocat est déjà en train Khalifa Sall, dit et Khalifa Sall, il a dit que si je suis en train de faire un même certains actes, vous n'avez pas les coronavirus. Mais il a sa stratégie, parce que moi, je me depuis 5 ou 6 mois. Maintenant, on a commencé juste avant Basbi, effectivement. Parce que maintenant, il y a au Canada, dans Diane, dans le dernier de master. Je me connais, mais je n'ai pas commencé pour me dire que je vais organiser avec ce calendrier d'études pour me dire que je vais aller à l'Ubi. Basbi, je vais faire le Canada. Donc, je suis arrivé à 24 heures de la clôture des frontières. Je me suis dit, on ne peut rien faire. Dernière sortie où Khalifa Sall, je suis vidéo où je suis allé comprendre le monde. Comme je suis allé, je suis allé au Sénégalais, peut-être j'aurais fait la mais en fait, cette vidéo, il a dit aux Sénégalais et aux Sénégalais, je m'apprête à reprendre mes activités. Il a tel ou si ou et me disent à travers les réseaux sociaux et les systèmes et les plateformes de digitalisation. Donc, Khalifa Sall n'est pas Barthélemy Diaz. Parce que Barthélemy Diaz, dans les chaussures de Khalifa Sall, Macky Sall, d'où il y a au Sénégal. Ah oui, il y a où? Parce que dans son nom-là, qu'on a bissé le cabinet. Parce que ce que Macky Sall a fait à Khalifa Sall, il faut être un monstre pour le faire. tout ce que j'ai à dire. Ce n'est même pas un politicien, mais il faut être un monstre. Parce que ça, c'est... il faut être froid pour le faire. Man, Macky Sall, Kharou, Magadetimo. L'aide de l'aïkhat, c'est Macky Sall. Moi, je respecte les Sénégalais. Il faut que les élections, il y a. Nous, il y a des cartes électorales. Et il y a des cartes électorales. Parce que Macky Sall doit comprendre qu'il n'est pas au restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Nous choisir entrée ou le plat de résistance pour le dessert. De choisir. D'ailleurs, il y a un candidat sénégalais qui est choisi. Ce n'est pas à toi de choisir. Quand moi, candidat ou le candidat. Mais Macky est fort. Parce que comme tout le monde, il est fort. Comme moi, des fois, il m'arrive de réfléchir. Je me dis que Macky est fort. Parce que, Wad, quand nous avons une puissance, une histoire. Mais le président Macky Sall, de 2012 jusqu'à maintenant, il a réussi à faire aplatir tous les segments de la société. Je ne dirais pas qu'il est fort. Je dirais que ces segments dont tu parles doivent revoir leur posture. Que ce soit des segments politiques, des segments issus des syndicats, de la société civile, tout le monde doit revoir sa posture. Il faut que Nini, ni Dangli, Dolou, Paye, ni Khol, ni Kassé, ni Merne, Lol, Pap, ni, man, dama, ko, bug, ni, ou, ne, po, ko, bug, mais Pap, ni, ten, kei, nyak, man, dang, may, wo, ay, wiken, man, ki, toli, amul, piscine, amul, dara, nekhul, amul, boite, demi, amul, dara, amul, restaurant, amul, dara, wante, politique, yow la da ngay dem takki ci wol ci bigay ay nan jaay ay ginaar jaay ay soble jaay ay limon jaay ay mango ak yoy takale ba yalla indi sutu ñeñu ñi tabax ñeñu ñi gorgoru ci bi ñeñu def confiance mais on peut pas aujourd'hui être dans un pays où tout le monde s'est aplati pour des raisons pécuniaires, ça la vérité, y compris les politiques qui se disent être les leaders de l'opposition qui en fait, je le répète avec beaucoup de regret et d'amertume, sont les dealers de l'opposition. Et je leur ai déjà dit, je ne lâcherai jamais. Tant que vous ne lâcherez pas, je ne lâcherai pas parce que vous êtes culottés. Il n'y a pas plus grand culot que de regarder les Sénégalais dans les yeux. Ça fait à peu près 180 millions par mois. En plein Covid. Allô? Pas. Il continue de nous parler, voilà que nous raccrochons après. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu 5 000 francs ou 10 000 francs billets d'ordonnance. Ne pas dire que les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les et du Haut Conseil n'ont que 50 millions de fonds politiques par mois. Ça fait 600 millions par an. Le budget de à une personne, 2 milliards. C'est un deal. C'est un deal. Papi, Sénégal, gars, il y a une fête de New York. Je vais te dire, tu es chef de l'opposition, n'est-ce pas? Tu te poses à qui? Tu te poses à quoi? Tu te poses pour qui? Et tu es le patron de l'État. Et nous, on va vous donner maintenant 2 milliards par an avec l'argent du contribuable. Et on doit se taire. Je ne me tais pas. J'ai décidé d'aller dans les radios, les partout et les dénoncer. Ce sont des dealers. Tiens. Quand je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit Mais toutes les personnes qui sont perverties là à la légui lañuy tablé di wax li nga xamné mo do 3ème mandat bi pour mu dugg ci bop nit ñi ñu xamné bu tane té ma ngi leni wax fi fam lo xamné dama leen koy wax la famille refusons d'être embarqué ou embrigadé même dans du juridisme. Xamul tax fo mo wax len lutax juridisme bobu ñu ñu bëgg duggal bu leen déglu ben juriste bu fi théorie affaire troisième mandat xamal lutax xaar dina la Dakar matin lu ko ñu raw le mandat consécutif la bo xamné dama né dina wi les mandats ko xéru le xéntaw wax do xamné kenn xamul bu mu joggé ndey jimbili ji ndey jimbili ji di président Macky Sall mom ci bopam la wax président Macky Sall mom ci bopam la wax mo wax ni deg juriste comme ils sont incapables d'écrire dans notre constitution de manière claire lisible bo do am ben source d'interprétation luñu dal ñom ñoko def waxna ko bele passé un ami juriste munema oui mais quand on regarde la constitution quand on l'interprète la constitution on peut supposer que Macky Sall peut faire un troisième mandat manako xamama luma metti moy yeen juriste problème bo am Sénégal yeen yeenani ko indi vous êtes incapable d'écrire je vais au marché je vais à l'école ba do am ben source d'interprétation lolou nak man dama koy jël teggi ko tek ko falé xam la la gëm ndey jimbili ji ki tok jakarlo Sénégal laj batu Sénégal ñu jox ko mom ci anam biñ ko ko joxé mu lèr en 2012 mu ñew 2019 tek stratégie jëlat deuxième mandat mom mo wax li ak lan moko taxu jox ndax rew parce que wax day lèr Macky Sall ci bopam mo nañu dogal defu won ni mu def wala muy wax yi muy wax kon kenn du troisième mandat Dakar matin il ne peut faire deux mandats consécutifs un consécutif portant sur une seule personne il ne peut plus être candidat Dakar matin fane wëb dégg na ay ciow koy lo xamné ngay jimbili jangi ni dañ na lu xéewu dégg leen lim wax wax do xamné kenn xamul bu mu joggé ak lan moko taxu jog ndax rew mi japp na ni démocratie da koy dox 2016 man ma proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle bo xamné dama né biru mandat yi dafa wara jex tak ñu japp né rew mi kenn mëna tuddi tok lo ci ñaari mandat ko ko bindu mu daat nak ñoo ne ko faire plus de deux mandats consécutifs parce que jang trois boko firilé lool wala xam indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 ñu mandat bi juroomi at la ben yoon lañ ko mëna renouveler muy boko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci lenen du koy tej mais de toute façon kenn mënul def lo ci ñaari mandat yu tagal mo constitution do donc lolu lenn man ma sama ben mandat bo xamne bu ci yalla ande 2019 lay jeex ci ciowar ak sunu borom ak bëkk bëkk sénégalais fekke ni japp na ni digeul bi ñu sa sumb ñu ko tek ci yoon am nañu seen qualité dina renouveler mandat bo 2019 su boba man paré na ci mo ko do upp ñaari mandat yu tek tout cas man mi de japp na ni ñu ñettalu mandat dañ mo sentu fep amu def ci mbir mom lolu dum bëgg soxluma juriste man soxluma ben juriste commission incapable allô allô papa le na nga def ma ngi fi sante yalla bu wër ba yenn sun ci yag amin wala man lima bëgg wax rek moy len troisième mandat bi baye bo ñu baye ci xel bu baax bu baax parce que la bonne est simple raison que man duma analyste politique xawma dara mais sama constat moy le fait que ñu bëgg coûte coûte taw Idrissa Seck wax ni moy chef de l'opposition alors que Idrissa Seck ba muy dem élection dafa amone ni mu andal bu fekke ni dañuy xol nombre de voix rek Idrissa Seck était parti avec beaucoup de personnes kon mu ñu nek chef de l'opposition su fekke ni dafa am benn deal bu ñu tek ñun lañu baye xel ci li ñuy def Sénégal yi yépp nañ takku taxaw troisième mandat bi ci am bu fekke ne nag dafa wut ay ñeneen ñu mu ànda nool pour ñu jàppale ko ci lool la Sénégalais yépp taxaw yëpp yi nañ ko teg ci yoon parce que Sénégalais yi somm nañ dam nañ dee nañ tàlli nañ ma rek laa amoon ci li may wax jërëjëf jërëjëf bu leen nangul juriste yi ne juriste bu len wax nga nalé ma len jam yeen vous n'avez rien à dire parce que buñu tollo ci situation bi yéne ñukoy indi mom mata la famille mom la mom do xamni kenn xamul bu mu joggé ak lan moko taxu jog ndax rew mi japp na ni démocratie da koy dox 2016 man ma proposé askenu Sénégal mo proposé le lo wax dé ñu jël ki France lay woté allô allô pape waaw waaw ça va na nga def santi yalla ma lay woté depuis Paris très bien ana wa Paris oui ça va ñu ngi leni waja confiné wat waaw ñu koy essayé mais je pense pas ñu def ko ah limom ay jé ñi lay dégg ouais fatou mu bëggon na fatou question bi rek waaw pour conforter la ci ñu wax waaw dafa am lén lo xamné dafa lèr Sénégal ñoo soxla tout ay juriste yu taxaw duñu lire ay phrase yo xamné comprendre na soxla wuñ ci man buma bénn juriste wax soxla wuma invité wuma sax juriste non mais problème bi momo day jimbili ji mo wax simple ça donc xalé boko expliquer boko expliquer situation bu démé mu léral la ko waji def na deux mandats bu paré nañu bari ci deuk liguey té aussi amna ben affaire bo xamné mo sonal Sénégal Sénégal xam nga lan mo sonal pas maguette nek ci pouvoir maguette ñoo sonal au Sénégal du Sénégal man parnalé pour mu avancer il faut un président bo xamné day réformer affaire même gars dañu nit jëflo ay retraite en 60 ans à tout le monde bo jëlé retraite amu son amu tout droit sax briguer ay force électif lool mo mu mëna changer tout lool lay tax chaque jour da ngay am renouvellement pour les jeunes jeunesse mëna ñëw di présenter aussi ay force yu am solo mais magge di tant ñu ngi nekk ci place buñ ko jugé té ils font tout pour le pouvoir pour mëna am ay rap pékinière lolu mom moy suñu véritable problème ci le Sénégal tant que Macky ñu fini fofu nekk ci pouvoir Sénégal jamais développé parce que nit ki bo démé ba retraité amoto ko pour nekk na ngay ay mëni ay combat da ngay nekk di xol nan ngay amé xaalif pour suñu fait bi tranquillement pour man dañu tenir en otage du Macky rek ñu tenir en otage hein opposition bi ñu gëna tenir en otage parce que amna ñu xamné bëggu sax sox il veut juste Macky di leen jox xaalif ñi def sen ay réunion nañu ay dialogue politique dialogue li da ngay gis pay ak sen ay ray ban yo xamné dem jakk jow lañu wara dem jakk ñu nekk ci solo ñi nan ay discussion il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons quoi parce que nous on est fatigué Sénégal une jeunesse bo xamné ils sont vaillants pour liguey kenn jappalé wulé ñu ay pay yo xamné retraité lén dé ñu tok occuper ay poste à vie c'est grand n'importe quoi ñi ñi dañu sonu mais de toute façon on ne sera pas ay deuxième mandat bo fi dul am ni dañ ko nang ni fu ñu fekk dañuy manifester très bien on est prêt duñu nangul lu wat dañ ko dul nangul max ci le ci on dafa mon Sénégal c'est pas ce deux mandats demain bay ci deuk ci tout la c'est les gens c'est vrai merci beaucoup jerejeuf merci la famille c'est la famille merci beaucoup mom gay dañ allô salam alaykoum baba la malaykoum salam lele ma yandof ni sante yalla man dama bëgg la ci moy est-ce que ñu war nañu sax poser comme ñu ñëpp la lañu c'est évident troisième mandat do est-ce que war nañu sax poser débat du nga ñu poser débat dañ koy lambat da nga dul poser débat bi nga baye bam na kettina jonne jégué fi sénégalais jëri ci manifester non da xam pas xawu ñu ci sénégalais ñu ñëpp la lañu troisième mandat do nga né ñu ñëpp la lañu troisième mandat do parce que dampna rek tanki ñu ngi non xam nga nak facilité bi ngeen di def ñu nelawal leen ba affaire nak keut gi jëw nga na a bo gisuma ko won farité ça sama la motax may wax lool parce que dama yaakaar ne peut-être ñun tanki ñu ngi poser débat bi xeyna amna ci ñoo xamné ñi def sen xel éventualité bi le débat xam nga yow président de la république bu taxaw 2018 ne la je sa 2019 moy sama dernier mandat ñu poser wat question mo na je réponds ni oui ni non Pardon, je l'air. Pardon, je l'air. Est-ce que l'air n'est-ce pas? Tu m'as l'air ou? Bah, l'air. Comme l'air, là. Dañu bëgg mu léral ko ñu nako mëna suma waxé na suma duma wut troisième mandat sama gouvernement duma liggéey isufé ngi né next ni j'ai dafa na duma je cherche pas un troisième mandat indi fo wa américain ñu def ben ngandam séminaire bu fa am ay par exemple manifester pour mu def troisième mandat procureur jappelé tek leen yow nga am président bu jakarlo yow di wax je réponds ni oui ni non nga né da ngay koy wolu ci lool té mu wax la juroom ñaar yoon na sama mandat dam ko yobbu 5 ans defuko amala mo ndek anti démocratique ci man foko ni ndek anti démocratique moy nga and ak ay ci ko nek am xew di xalat nga ne ko kenn mo ati ci li yépp and ci lool ne kenn du ci wax wa légui nak lool lay wax man lool man duma ko nangul yow boko nangulé man duma ko nangul man damay wax sama xalat duma ko nangul parce que mom bamuy wut dañ ko den inviter diko tek ci télé yi mu wax xalatam ba jot lu mom lu mbeug na débat la ba ça c'est sûr mais dit que dafnaara ñun dañu wara xéena yow nga dégg la moto mo am solo mais bon nañ insister ci éducation massi parce que dit que ñepp won na sénégal yepp won nañ def ci seen bokku bu ñu démé bay engagé wu ci benn parti politique wala ci sax engagé wu ci politique en général won nañu jittal suñu conviction personnelle wa ñu nek ñi ñoo xamne dañu mëna miselé bu taxawé ni troisième mandat bu bëgguma kenn wax ci xam nga lolu dañ la wax lu gatt nit moy am ful ak fayda ci bokkom est ce wax na lolu téw mu sama jaxata wax na xalaaso mu dax ko mu assumé ko deug la lolu nit moy am ful ak fayda ci bokkom xam nga lolu ci di théorie wag nit buy dugg ci parti dem conviction nit ku nek ni la bindé amna ñoo xamné gi nga ñi waxone fi ñepp ma tek kuma ci poser question bi tay ji do répondre ci 3e mandat parce que ya nga ragal Macky Sall dakk ñak gëmadi yalla c'est dommage c'est ça la réalité le plus rawati na ñi jital nga jité askar numbu dem ba yow sa xalat ragal nga sax diko génné allez merci beaucoup parce que ñi ngi ci féw émission bi nak parce que tay xababal sax jërëjëf merci voilà nous sommes à la fin damay wax ay ci révision constitutionnelle moko proposé sénégalais biro mandat dafa wara jex tak mom top né réew mi kenn mëna tuddi tok lo ci ñaari mandat mom bindu mu daat nak ñeul na ko fer oh ay tuway da waxal président waxal na hay ngir mu kay ge ba dëng rim na wax lima lañ bëgg dëgg Dakar matin ko fi doome ñaari mandat kessé nga mëna def li fi xewon nga xamni da ngay xey suba ne man dama bëgg 3e mandat modifié mu ne lo dañ koy verrouiller ci constitution bi def ko clause bo xamne kenn do mandat est consécutif portant sur une seule personne il ne peut plus être candidat Dakar matin fane wëb de gëna ay ciow mo lo xamne daf ma jaxal do ndax do melna lu xëru la xey to man na nek wax sét lam koy wax président boko xam lo lañ wax sét ndax rew mi dapna ni démocratie dokuy dox 2016 man ma proposé askanu sénégal révision constitutionnelle mo xamné dama ni mo mandat yi dafa wara jex tak ñepp japp ni rew mi kenn mëna tuddi tok lo fi ñaari mandat dañ ko bindu mu laat nak ñeul la ko faire plus de 2 mandats consécutifs parce que bu jang toba boko firilé lolu wala xam indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu né mandat bi juroomi at la kenn yoon lañ ko mëna renouveler muy donc bokku renouveler muy ñaari mandat ñu yokkat ci lenen du koy tej mais de toute façon kenn mëna def lo ñaari mandat yu tégal donc lolu constitution bi donc lolu mandat moy wax né bo xamné bu ci yalla andé 2019 lay jeex ciobaré suñu borom ak bëgg bëgg sénégalais féké né japp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ko tek ci yoon am nañu seen qualité dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa mu wax def lu ëpp ñaari mandat yi en tout cas man mii de japp naa ne mbirum ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu def si mbir moom loolu dama bëgg wax mu leer te leer na président kenn du la séntu ci 3e mandat yaa ñu ko wax yow waaye nag comme ñu né Serigne Kosso Mbacké di doomu Serigne Muntaha Mbacké yëkëti na kaddu yi am solo tamit waxu Dakar matin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ولنا محمد المكين وعلى آله وصحبه بقر الرجل والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكل الدين مقيم ألو وي ألو وي وي بابا لي وي وي سافا سافا نيجي سامتي يالا c'est toujours direct et puis amène toujours voilà parce que je suis pas là de me déconnecter ouais ngane ngi toujours en direct ya ngi en direct yow ni ngi lay deug ba lay deug d'accord ok ma ngi nuyu wala famille ñepp ah ni ngi lay fay xamul ñaw xama sank da nga né juriste yi nga méré waaw mais man en plus des juristes journalistes vous posez une question bien en décembre 2019 waaw mom la méré parce que décembre 2018 ma ki def ñu né jeexna c'est bu gagné élection yi moy dernier mandat wow. Donc question bob woro ko wona poser da ko worona wax vous entamez vous avez entamé votre second et dernier mandat bu ko defé mo xam ni ko lañ andi non non lolou la wax légui na en fait lolou lañ ko worone poser comme question la question doit être une question fermée monsieur le président voilà. Vous entamez votre dernier mandat dernier mandat mo xam ni jeexna mais là dañ ko jox opportunité ki se dit ah kon gaay ñi ngi yakkar ni amna possibilité def troisième mandat lolu mais tant amna ko dugg ko nan voilà débat bi waruñu ko wona poser c'est dès maintenant lañu ko préparer buñ koy bayyi day fa parce que man je trouve que Macky Sall depuis 2012 dañ ko faciliter lepp lu ñew mu jall parrainage ñew mu jall mom dal lu ñew rek adé facilement mu dem élection yi passé man toujours le tir dama buñu waxé manalen man je trouve que dañ ma sacc sama vote élection yi da ko lijeenti jall donc ñun ñu faciliter ko yeb buñ ko bayé ni troisième mandat bi day ñew jall facilement dara do ki ah voilà dañ la famille de dañ ko tankal mom ah ba oui dañ ko may dara dañ ko may tankal de lolou tax man rek fo ñu yok il faut ñu yok non non buñu sédal dar parce que là da ngay xol ku wax mu gënël bo waxu lu ko neex mu gënël donc ça veut dire que ni limuy togu sa visage rien de bon tax nga waxon de ni dina conseiller watara mu def parrainage bi watara ci tank yoy la nek mom nak mi ñu préparer lepp lu ma len wax waaw japp len ko rek ngeen top ko ba mu jeex ngeen ko dis exactement mais ma ngi remercie ma ngi libérer ligne bi merci beaucoup jerejeuf jerejeuf courage merci tay ni ngi jeexale serigne koso mom mo nek dom ci serigne muntaha mbake khalif general kulumur yamale len yu bax da na wax ci mali waaw waaw bu fekké nak may laaj ci afrique ci li nga xamné mo xew dem ci bamako ci mali la ci man wax sama xalaat non deug la buñ ay produit 500 nak waye nak dafa am lo xamné nat la ci doba adama ndax fekké yor say bëgg di gis yor say nopp di deug yor say xam di xalaat wax deug lolu dafa mën ta and ak nasax ngeen tasaaj ba ñëw rek nga sëkk jàll ba ci am benn xalaat loolu mën ta nekk waaw dañ ci am xalaat bu baax a baax a baax xalaat bu weesuwut Ibrahima Boubacar Keita dafa yor Ali Jambour te and la ay Madinien ñu yor yoo xam ne dañ ko yoroo war ngeen ko toppatoo am lu ci digganteeg ñoom ci seen constitution bi nga xam ne moom la ñu tëral ñoom ñu moom alal ñi itam war waxtu wu nekk ñu digg seen bët di xam liy dox ak li xam ne moo dogo te loolu mooy li war a fépp loolu nag bu ñu ko defee ba gis ne ñoom seen réew mi ngi suux seen alal mi ngi yàqu war nañoo mën a jóg def yeneen taxawaay yoo xam ne bokkut ak yooyu bokkut yi ñu defoon taxawaay yooyu rek moom lañu def àndandoo ko nag mu ngi ko war a àndandoo def ko ci xam-xam itam ba tey lii mën a am mën ko fàjjale mën ko yóbbu feneen seen nañ léegi ñu doxalewaat seen réew te loolu moo waral fépp lépp loo xam fépp foo xam ne lu mel noonu am na fa noonu lañu war a def Sénégal di Côte d'Ivoire feneen feneen Guinée fekk ndax ñu ngi bëgg a yàqatu bare bare bare bare waaw yàq démocratie bi troisième mandat yi ñu ngi ñuy bëgg a rey di bëgg a tas Afrique te loolu ay gor ñoo tolloon wax ko dëgg la du alquran alquran moom mënee su cee soppi virgule waaye nag itam bu fekkente ni ci wàllu démocratie boo xam ne itam ay baram xam ko wala ay gox ñoo toog waxtaane ko ba si ne ko loolu dañ ko war a respecté dégg wax ja dañ ko war a respecté gor ca wax ja kon gaay inshallah dimanche en tribune libre dimanche nak dama ubbi telephone dama ñew rek tok liral len touti peut-être ma ciofal len touti ci Cheikh Alassane Sall après tuma len ciofale ci Cheikh Alassane Sall touti ma ngi yakkat ak mom peut-être ñu mëna def ben affaire kon desatu luddul sant len gëreem len la famille bu baakha baakha baakha baakha baax ciat ba ciat ñu ko sama ben xarit di waxe den dig dajé inshallah dimanche 18h30 dimanche xamna nak légui gaay ñan wa mais da fa may match de football ak yoyu mais dimanche man 18h30 lay ñew ñu waxtaan Sénégal mu ubbil len téléphone ngeen wax ci réew ya jëf donc ñu def lan tagato ya jëf jamma xewul Thank you.